Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Martial Panico. Bonjour à tous, bon écoute, bah, alors, moi la petite anecdote que j'ai eue et la petite galère que j'ai eue, c'était que lors d'un voyage en covoiturage pour aller à un plateau d'humoriste, je me suis retrouvé dans un covoiturage assez bizarre parce que... je me suis retrouvé avec un mec qui était complètement fou du volant, mais complètement, carrément dingue. Il passait, tu sais, les barres de péage sans payer. C'est-à-dire qu'il collait les bagnoles. Il pétait le. Ah, ouais. Il collait les voitures, d'accord, ouais, oui, la fameuse technique à passer à deux. Voilà, et c'était, c'était un mec de Blablacar, hein, donc tu vois, c'était un truc quand même assez sérieux. Donc, et le mec fait ça pendant je sais pas combien de kilomètres, je faisais Lyon-Paris. Donc je te dis pas l'ambiance dans la voiture. En plus de ça, c'était un chauffard, c'était un galère. J'ai cru que j'allais mourir avant d'aller jouer, quoi. Sincèrement. Ouais. Donc ça fait partie d'une parce galère. Que niveau conduite après, pendant la route, il conduisait comme un dingue aussi. Ah non, c'était. Si tu veux, c'était raccord entre la conduite et les péages, c'était raccord. Ah non, mais c'était un. L'ambiance, les métiers de chacun étaient complètement différents. Moi, j'étais paniqué, la bonne femme aussi. C'était un désastre. Et je jouais, je suis arrivé donc avec. Une heure d'avance pour le coup parce que c'était rapide, mais avec une pression. C'est l'avantage. Avant de jouer, c'était un désastre et j'en ai parlé sur scène le soir même. C'était assez drôle pour le coup, mais c'était une vraie galère. Donc la galère du déplacement et des voyages pour un humoriste quand même. C'est vrai, ça joue aussi. Hein. Comme les voyages en car et tout. Moi, je suis un adepte des Flixbus, tout ça, des Wii et tout. Il y a des trucs des fois. Il y aurait de quoi en faire tout un spectacle, quoi. C'est un peu le délire. C'était une grosse galère qui arrive en transport. Sinon, j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu comme galère Petite anecdote pimentée. Je pense que ça arrive à tout humoriste au moins une fois d'arriver avec une seule clé USB avec tous tes top sons. Uh-huh. Et au moment, le jour J, à quelques minutes du show, pour faire ta régie, la clé plante et tu n'as plus aucun son. Uh-huh. Et j'ai dû jouer tout mon spectacle sans son. Surtout que toi, t'as pas mal de. Ouais, il y a des petits top sons avec des effets. Du coup, bah, tu es obligé de broder. Et ça s'est bien passé ? Non. Non, c'était très compliqué. Mais c'est comme ça, comme tu dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est sûr. Du coup, maintenant, j'ai 3 clés USB et 5 CD à chacune de mes représentations. Ah, c'est pas mal. Ça fait partie des petites galères, des petites galères dans ma petite carrière. Sinon, après un joli bide à la Dead Jam. Ah, ça. C'était le plus gros four du monde. Et sinon, après, j'ai pas trop de petites choses croustillantes. C'est assez basique. Mais tu sais, le coup de la clé USB, moi, je l'ai eu. Le problème, c'est que je jouais dans un concours d'humoriste. Donc il y avait un intérêt quand même. J'arrive avec ma clé USB et il y avait un son dessus. C'est-à-dire, tu ne peux pas te tromper. Tu mets la clé, tu lances le son. Ouais, c'est fini. J'arrive comme ça et. À l'époque, en fait, c'est pour ça que maintenant, je commence mon spectacle directement par la musique. C'est-à-dire que si elle part pas, je joue pas. Là, donc ça va. Donc au moins, même si ça met 3-4 secondes à arriver, c'est pas grave. J'arrive pas, j'ai pas l'air bête, quoi. Tu vois, ça va. Là, à l'époque, je faisais mon début et je disais « lance la sauce !» Tu vois, je disais ça au régisseur. Et là, le régisseur me lance le son, qui n'est pas bon. Et je dis « c'est pas celle-là. » Et il cherche, il balance encore une autre. « C'est pas celle-là non plus. » Il en balance encore une autre. « Non, c'est pas ça du tout. » Et je dis, mais comment il a pu se planter? J'ai une chanson sur ma clé USB, comment il a pu se planter? Et après je dis, bon, c'est pas grave. Bon, mesdames et messieurs, je vous disais, nanana. Et les gens étaient, ils rigolaient, mais mitigés. Tu sais, c'est le genre de truc où ils se disent, oh, allez, c'est fait exprès, c'est un effet raté. Non, c'était sincère, c'était du bio. Tu vois, c'était un vrai ratage bio. Ah, vraiment. Bah écoute, 100%. Mais le mieux, c'est la suite, parce que le mec, il me fait quoi? Je continue mon passage, et d'un coup, il a retrouvé la musique, il me l'a balancé sans prévenir. Ah, pas mieux du. Ah ouais, c'est fantastique ça. Ah oui. Bon, donc du coup, je fais. Qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, c'est pas grave. Ça fait. Et je suis parti dans mon truc. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens, ils ont vu ça. Bon, bah, ils ont suivi comme ils ont pu. Je te cache pas, j'ai perdu le concours. Je te cache pas. Et je spoil un peu la fin. Et donc, le mec vient me voir en cuisine après. Le régisseur, tu vois, il vient me voir en cuisine. Et tu sais, il marchait comme un enfant qui vient avouer à ses parents quelque chose, tu vois. Il vient vers moi, il me fait. Écoute. J'ai compris ce qui s'est passé, j'ai pas pris ta clé USB, j'ai pris celle d'une autre comédienne. J'ai fait non, je voulais le buter. Ah ouais, mais bon, c'est pas grave, j'avais quand même passé un bon moment, j'y suis retourné une autre année et là ça s'est bien passé. Mais voilà, en gros, j'ai perdu le concours à cause d'une enfin, je dis pas que je l'aurais gagné, ce serait prétentieux de dire ça, mais en tout cas, là, j'avais aucune chance de gagner, c'était sûr. Là, c'était sûr. Ah, si, ça y est, j'ai une anecdote qui m'est revenue. En fait, j'avais jour de spectacle, la veille, j'ai mangé un plat que j'adore. De ma grand-mère qui a un tiramisu, il est super bon, mais à chaque fois qu'elle le fait, en le mangeant, je sais très bien que le lendemain, j'ai une diarrhée de ouf. Et je jouais le lendemain, donc je prends de l'Imodium, tout se passe bien, tout est nickel, et ça n'a pas marché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Grosse crise. En plein spectacle. Non, mais non, avant, juste avant. Avant. Ouais. Et c'était un plateau, tu sais, on passe tous 15 minutes. Ouais, ouais. Voilà, la personne avant moi, je sens que ça tire un peu, je fais c'est bon, j'attends, ça va passer. Et pas possible. Tu sais, le truc où tu transpires, tu goûtes. Aïe, aïe, aïe. En plein son passage. Et en fait, on était en train de m'appeler sur scène, j'étais encore aux toilettes. En train de me vider. Et j'ai dû retourner sur scène en sachant qu'il m'en reste encore un peu, tu vois, à finir. Et j'ai passé 15 minutes à jouer mon sketch en mode rapide. Tu l'as joué en combien de temps le sketch de 15 minutes? Honnêtement, j'ai bouffé des passages, je transpirais. C'était un passage désastreux au final. Hein. Ouais, ouais. Et les gens étaient, oh, c'était super, hein, vous avez de la patate. Ouais, t'as de la patate, t'inquiète pas, qu'après je suis retourné aux toilettes, c'était horrible. Oh là là. Et voilà, donc ça, j'avais oublié ça. C'était au tout début, ouais, quand je commençais. Mais du coup, les 15 minutes, tu les as fait en 15 minutes ou non, t'as fait. Non, sincèrement, je pense que j'ai dû speeder. Ouais, non, j'avais prévu 15 minutes, genre, mais j'ai t'avais dû faire 8 minutes. Ouais, ou... ouais, sincèrement, ouais. On a tendance à accélérer dans ces cas-là. Prie pour pas qu'il y ait un prout. Oh ou... là, là, là, là, là. C'est horrible. Horrible. Bah écoute, merci beaucoup pour ces merci anecdotes croustillantes. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Bah écoute, moi on peut me retrouver actuellement à l'Appart Café du 5 au 7 septembre à Bourges-lès-Valence. Ok. Et sinon sur ta page Facebook Martial Panico. Mon spectacle s'appelle Épisode 1, coécrit avec ma compagne. Voilà. D'accord. Et bien magnifique. Écoute, on suivra ça avec grand plaisir. Merci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.